Tu étais la première à m'écouter tendrement. Je t'aimais. Je te composais des chansons avec ma guitare. Oh baby. C'était beau, c'était doux, c'était vrai, c'était nous. Je repense à notre histoire. Hier je me suis fait jeter comme un chien. Moi je pense que c'est de la merde. Deux jours qui s'effacent pour rien. Ce genre de trip me donne la gerbe. Mais comment oses-tu dire ça? C'est ça était tout pour moi. Elle n'était pas dans cet esprit là. Ou alors elle pensait que t'étais pas un gars. Comprends-tu que je voulais son cul? Ta main ne t'a jamais déçu. En ce moment je sais qu'elle s'en branle. Et toi ça fait 10 jours que tu te branles. Sans elle je serais toujours seul. Ça c'est clair mais t'as vu ta gueule. J'ai perdu mes réduc monoprix. Non c'est elle qui te les a pris. Où sont les putes, celles qui riment avec turlute, avec turlute? Tu les retournes, tu les tires. Être un bâtard, ça les attire. Ça ne sert à rien d'être un bon gars. Ça fait pite et ça ne paye pas. À jouer ton rôle de meuf toute la journée, même sans y penser. Tu sais très bien que ton cul et tes seins t'attirent les regards des garçons. Leur vie comme la tienne semble tourner autour de cette idée que le sexe opposé est la solution. Alors tu en joues inconsciemment au passé triste. Je pense que tu es surtout une manipulatrice égoïste. Et comme tu as tout ce que tu veux, pas de questions à se poser. Tu bouges ton cul festif, que tu es gentil pour te déculpabiliser, que tu ne penses qu'à ta gueule. Et qu'au fond, les mecs ne sont que des jouets débiles. Des jouets débiles. Des jouets débiles. Des jouets débiles. C'est le syndrome de ta génération. Trop conscient de ton pouvoir, tu en joues et en abuses parfois. Tu aimes te ronfler dans le miroir, mais tu fais tout pour que les autres croient que tu n'as pas confiance en toi. J'ai calé ton manège et je te chie à la gueule. Si être ensemble c'est ça, alors je resterai seul. Tout ne tourne pas autour de toi, à part dans cette chanson. Alors profites-en, finis de me prendre pour un con. Pour toi et pour la chanson, voici la chute. Tu es ce que l'on peut appeler une grosse pute. J'étais un mec sensible qui était en rute. Et toi tu as fait ta grosse pute. Pour tenter l'aventure je me bats et je lutte. Et toi tu as fait ta grosse pute. Vous les meufs vous êtes vraiment toutes les mêmes. Des grosses putes. Comment vais-je faire pour trouver l'amour? Des grosses putes. Avant cette chanson on avait des fans. Des grosses putes. Maintenant il n'y a plus de femmes. Les grosses putes. On vous entend dire que les mecs sont tous les mêmes. Nous sommes toujours la faute, toujours la même rengaine. Alors nous on sort un autre son de flûte. Toutes des...